Le journal d'internet sud-coréen Onmai News, en date de 30 mai, fait savoir que les organisations du mouvement réunificateur sud-coréen, dont la Société de la province du Gyeongsang du Sud contre la guerre et pour la paix, et la direction de la province du Gyeongsang du Sud du Comité Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin, ont déclaré d'organiser les activités variées de réunification à l'occasion du 16e anniversaire de la publication de la déclaration du 15 juin.